conseil, ben qu'on est plutôt collé. Mais parce que des fébelles qui veulent nous couler, vont nous culer, veulent nous voir enculer. Parle face à face depuis le temps que tu manques de culot. T'as même pas de quoi en faire, tu commences à parler kilo. Reste tranquille, on va te quiller, te quiller, te quiller, te piller, te quiller, je quiller, je quiller. Mais pile à l'heure, tu veux dire que ça tire, ça tire, ça tire, ça mise en ligne de mire. Et ça se méfie de l'or, mais t'avais de l'or. Entre les mêmes, tu n'as pas assez quoi en faire. Peu pas assez quoi en faire. Non, tu n'as pas assez quoi en faire. Pote, si tu voyais ma vie, la galère et ma vie. Mais mes meilleurs amis dansent avec mes ennemis. Paraît-il que ma résine a allumé Marilyn, mes lyrics, mes rimes, mes lignes, mes lits, mes pas folie. Paraît-ce que t'as dans les mains, on écrit dur, on a le son, en normal, on alimente, on élimine, MC, allez surveiller vos mères. Écoute, c'est phénoménal, ça plaît aux femmes, les mal, on arrive, on va s'en mêler dans la mêlée, on fait le ménage. T'es pas mon poteau, toi tu me descends quand je suis pas là, tu mets des couteaux dans le dos et par devant tu passes ça là. Je posais du haut de ma tour avec mes poteaux dans le 13. La rue nous a validé, minimum on encaisse. Y'a ceux qui m'aiment, y'a ceux qui m'aiment pas. Même des amis dansent avec mes ennemis la samba. Sacré dilemme, ton pote je le sens pas. Je préfère les gens sympas, ceux qui jouent les zambas. Je suis resté le même moi, que ça t'a plus de mémoire. De nous deux, dis-moi qui a du mal devant le miroir. Qu'on vit, ça sent le vécu, H24 jour et nuit.